Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été triste, surtout au soleil en sortant d'examen. Dans ma cellule sans toi, je me sens vide. Sur mes épaules, une masse de bons souvenirs. Le bon temps me manque et je me branle sur toi. Mon pauvre sperme est plein de nostalgie. Le bon temps me manque et moi je n'aime que toi. Qu'est-ce qu'il me reste à part toi dans ma vie? Pascal m'invitera peut-être ce soir chez lui. Et j'irai peut-être, mais sans toi, ma chérie. Attends, je baisse un peu le siège là, parce que c'est pas pratique pour jouer. Deux secondes. Voilà. Allez. Je te préfère mille fois, toi, mes amis. Quelque chose a bouleversé toute ma vie. Le bon temps me manque et je me branle sur toi. Mon pauvre sperme est plein de nostalgie. Le bon temps me manque et moi je n'aime que toi. Qu'est-ce qu'il me reste à part toi dans ma vie? Tu ne veux pas imaginer d'où je viens et comment j'ai supporté ce chemin.